19h07, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla, Mouloud Didier au micro, donc Amandla que vous pouvez syntoniser tous les mercredis soirs ici à CKUT 90.3 FM entre 19h et 20h. Je vous disais tout à l'heure en introduction de l'émission que nous allions revenir une fois de plus sur l'enjeu de la revendication culturelle et linguistique amazigh en Algérie, plus largement en Afrique du Nord, mais aujourd'hui on va s'attarder beaucoup plus sur le cas algérien, pour voir plus clair, pour cerner un peu les enjeux sous-jacents à cette revendication culturelle et linguistique. On va essayer donc de cheminer sur cette réflexion. Pour ce faire, on a donc un invité avec nous, Monsieur Brahim Tazahart, qui est écrivain, auteur, militant du mouvement culturel amazigh. Donc Brahim Tazahart a publié énormément de recueils de nouvelles et de poésie, notamment en langue amazighe, puisqu'il n'est pas seulement militant pour la valorisation et la promotion de cette langue, mais il œuvre également dans le travail littéraire en vue de la promotion de cette langue. Il a énormément publié. Je vous donnerai, si vous voulez, les titres de ses ouvrages pendant une pause musicale. Je vous inviterai donc à nous contacter. Je vous donne tout de suite le numéro de téléphone pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les publications. Pendant une pause musicale, donc, appelez-nous au 448-43, c'est dans le 514. Voilà, alors pour commencer cet entretien, je veux d'abord vous remercier Brahim Tazahart d'avoir accepté de nous donner cette invitation, cet entretien. C'est un honneur pour nous de vous avoir, d'autant plus qu'il est très tard chez vous en Algérie, il est 1h du matin. Donc au nom de tous mes collègues, Brahim, merci d'avance. Merci, merci à vous. Alors pour un public québécois et canadien qui n'est pas au fait des subtilités de cette revendication, on n'est pas en France où cette question est mieux connue, donc donnez-nous quelques repères pour que les gens saisissent un petit peu l'historicité de ce que l'on appelle le mouvement culturel amazigh qui s'est cristallisé grosso modo en schématisant à travers ce qu'on appelle le printemps berbère d'avril 80. Aidez-nous un peu, donnez-nous quelques repères pour cerner un peu quelles sont les fortes demandes démocratiques qui ont permis à cet événement, célébré donc le 20 avril dernier pour la 32e anniversaire, pour cet événement. Donc aidez-nous à comprendre un peu la symbolique de cette date du 20 avril qui coïncide avec le printemps amazigh de 80 et quelles sont les revendications sous-jacentes qui étaient portées à l'époque par le mouvement étudiant, plus largement donc par les militants à l'époque. Bonsoir à vous, bonsoir à vos chers auditeurs et auditrices. Je ne sais pas pour la question à mesure vue du Canada, je ne sais pas comment il est regardé. Seulement, la mesure, comme vous le savez, est la première langue historiquement de l'Afrique du Nord. Son aire géographique va de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries. Tamazir, comme langue, participe de la famille chamito-sémitique ou afro-asiatique. Là, c'est un petit aperçu comme ça historique, une présentation. Sinon, revenons au printemps amazigh de 1980, et disons qu'il n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus de résistance contenu et ininterrompu. Pour nos chers auditeurs canadiens, l'Afrique du Nord, dont participe mon pays, l'Algérie, est séparée de l'Europe par la Méditerranée. Et par conséquent, elle a été, dans les temps anciens, coincée entre deux grands empires, c'est l'Empire romain et l'Empire carthaginois. Je pense que cette situation, combinée à l'étendue du territoire de notre patrie, de notre pays, qui était aussi vaste qu'un sous-continent, était des raisons essentielles de sa faiblesse. En effet, l'Afrique du Nord a connu des conquêtes romaines, la conquête romaine, elle a connu les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Français. Et chaque peuple vainqueur a tenté d'imposer sa langue au détriment de la langue des autochtones. Face à cette situation, Tamazight a résisté par divers moyens. Sous la colonisation française, elle était l'instrument linguistique de la résistance. Par exemple, le discours de Cheikh Ahmed en 1871, il a soulevé toute la grande majorité du territoire algérien, de la population algérienne pour résister à l'occupation française. Son discours était tenu dans cette langue, qui est la langue amazigh. Il était aussi instrument de résistance à travers les poèmes de Sir Mohamed Mohamed ou Kiramisu Nazir, qui était récent durant les années 1900 et durant le mouvement national algérien qui a conduit à la guerre de libération nationale et à la reconquête de l'indépendance. Oui. Après l'indépendance, le gouvernement qui s'est mis en place a reproduit le schéma jacobin du colonialisme en marginalisant les langues populaires. En Algérie, pour ceux qui ne le savent pas, la situation linguistique se présente ainsi. Nous avons trois langues, deux langues nationales qui sont l'arabe et le tamazight, et une langue étrangère qui est la langue française. Comme tamazight est composé de plusieurs variantes régionales, l'arabe est aussi divisé en arabe classique et en arabe dialectal. Ainsi, nous sommes devant une situation qui fait que l'arabe classique et le français soient considérés comme des langues d'élite. Les deux autres langues qui sont tamazight et l'arabe populaire comme des langues populaires ou la langue de la majorité des bilingues, la majorité du peuple. Cette situation de marginalisation de la langue tamazight a fait que les gens la résistance se cristallise davantage jusqu'à ce qu'on arrive en 1980 et là, à travers l'université de Tizi Ouzou, on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps de 80 ou le printemps en Algérie. Alors justement, donc merci pour ce travail de récapitulation historique. Voilà, c'est un vol un peu voilà. Alors depuis 1980, cette question a beaucoup cheminé dans les consciences algériennes. Cette question s'est beaucoup démarginalisée et notamment depuis 2001, cette langue a obtenu le statut de langue nationale, mais pas le statut de langue officielle. Alors, qu'est-ce que cette avancée qu'est-ce que finalement le fait de lui avoir octroyé le statut de langue nationale a permis et quelles sont les limites de ce statut qui pourrait être levé par la voie de l'officialisation? Oui, je pense personnellement que le statut de langue nationale est un acquis extraordinaire parce qu'en fin de compte, il faut s'installer un peu dans l'histoire. En fin de compte, c'est pas en 20 années de lutte de 80 jusqu'à 2002 que nous allons rattraper une situation d'errance qui a duré des siècles. Je reviens à 80, je m'excuse de revenir, parce qu'avant 80, pour la revendication à mesure, la revendication n'était pas claire. Chez la population, chacun avait sa petite idée de Tamazight. Mais après 80, il y avait formulation de cette revendication et on a revendiqué Tamazight comme langue nationale. Comme langue nationale et comme langue officielle. Avant 80, il y avait des expressions qui n'étaient pas pacifiques, comme l'affaire des poseurs de bombes de 1975. Mais à partir de 80, on a installé la revendication en Algérie dont le gérant des libertés démocratiques, on a lié la revendication en Algérie à celle de la démocratisation de la vie publique en Algérie, et on a signifié une fois pour toutes que la revendication en Algérie doit être pacifique et fondamentalement non violente. C'est dans cette voie que nous avons continué la lutte, et que nous avons pu mobiliser la population. Une manifestation publique en 90 après l'ouverture démocratique suite aux événements d'octobre 88, nous avons quand même réussi devant l'Assemblée nationale algérienne à rassembler plus d'un million de personnes. Tout à fait. Un million de personnes, il n'y avait aucune fleur qui a été arrachée. Dire que Tamazight est aussi une revendication qui est intimement liée à la citoyenneté. Alors justement, puisque vous abordez la question, de la citoyenneté, donc pour vous la revendication se pose dans une optique d'égalité citoyenne. J'aimerais vous entendre élaborer là-dessus dans cette optique. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la situation de l'arabe classique et du français comme langue d'élite, de l'arabe algérien et de tamazight comme langue populaire. Mmh. En fin de compte, la revendication de tamazight comme langue nationale, comme langue officielle, c'est une revendication d'égalité citoyenne. C'est élever les locuteurs de ces langues à un statut qui soit égal à ceux pratiquant les autres langues dites savantes ou dites ou reconnues par le système anglais. Ben justement, alors l'un des préjugés qui prévaut à l'égard des langues orales, alors vous êtes invité ici dans le cadre d'une émission africaine, alors justement, aidez-nous s'il vous plaît à abattre un petit peu les préjugés qui prévalent à l'égard de l'oralité, à l'égard des langues précisément qui ont survécu sous forme orale, bien que tamazight a déjà des caractères écrits, mais surtout parce que les préjugés qui persistent précisément à l'égard de cette question présentent souvent comme la langue tamazight comme une langue qui est imperméable avec le travail cognitif et avec le travail d'abstraction intellectuelle. Par exemple, comment abattre ces préjugés? On les abat chaque jour avec la production, on les abat chaque jour avec l'enseignement de la langue, avec la production littéraire dans cette langue, avec des productions multiples. Seulement, permettez-moi de vous dire que les langues, ce n'est pas les langues elles-mêmes qui produisent de l'intelligence, mais c'est les peuples qui produisent de l'intelligence. Tout à fait. Les langues sont là, elles sont là un moyen entre les mains d'un peuple. Lorsqu'un peuple se met à travailler, lorsqu'un peuple se met à produire, la langue l'accompagne. Rappelons seulement que les Français appelaient l'anglais langue de paysan, en fin de compte. À un moment donné de l'histoire, l'anglais était utilisé par l'aristocratie, par la bourgeoisie française, par l'aristocratie française, et il appelait la langue des paysans. Maintenant, si tous les moyens sont mis à la disposition de Tamazight, sont mis à la disposition de toutes les langues africaines, nous aurons des langues capables de produire de la science, capables de produire du savoir. Alors justement, puisque vous ouvrez sur la question des moyens qui devraient être déployés, notamment par les pouvoirs publics. Récemment, vous avez lancé une pétition pour la création d'un quotidien public d'information en langue tamazight. Vous avez plaidé également pour que l'université algérienne lance un programme de licence en journalisme pour cette langue. Alors aidez-nous un peu pour comprendre un peu quels sont, selon vous, les leviers sur lesquels il faut insister pour prendre au mot l'État algérien, justement, pour qu'il applique les dispositions du caractère national de la langue amazigh. Je pense qu'on est en train de le faire parce qu'on est en train de repenser un peu le mouvement culturel amazigh. J'ai proposé dernièrement dans l'entretien, mais bien avant dans des conférences publiques, de reconstruire le mouvement sur la base d'un projet de promotion de la langue amazigh. En fin de compte, nous avons besoin, en tant que militants, en tant que mouvement, nous avons besoin d'un projet de développement de cette langue. Et ce projet doit être bien pensé, bien ficelé et le proposer au pouvoir public afin que tous les moyens soient mis à la disposition de cette langue. Parce qu'en fin de compte, ça fait depuis 2002 que tamazight est langue nationale, mais il y a toujours un certain nombre de décrets, de textes juridiques qui sont contraires à l'article 3 de la Constitution qui reconnaît tamazight comme langue nationale, mais qui sont toujours en vigueur et qui font barrage à cette promotion. Il y a aussi un certain nombre de textes d'application qui ne sont pas venus à temps et qui ne viennent pas encore et que nous revendiquons afin que tamazight ait tous les moyens de l'État afin qu'il s'épanouisse davantage. Alors, peut-être une autre question que j'aimerais vous poser, c'est de nous aider à comprendre un petit peu comment cette revendication a cheminé dans les consciences des Algériens non amazighophones, c'est-à-dire arabophones. Comment est-ce qu'elle est perçue, cette revendication, plus globalement à l'échelle algérienne? Oui, il y a des avancées extraordinaires, mais disons que nous avons passé par des moments un peu timides, parce qu'en 80, face à la revendication amazigh, qui était porteuse aussi, c'est ce qui dérangeait essentiellement le pouvoir en place, il était accompagné de la revendication de la démocratisation de la vie publique. La réponse du pouvoir public de l'époque était d'opposer les Algériens arabophones et les Algériens amazighophones. Il y a aussi une question qui relève de la relation entre les langues, En fin de compte, les langues, tout le monde est d'accord à dire qu'il n'y a pas de problème contre les langues, mais il y a des problèmes contre des hommes se mettent à utiliser ces langues. Le pouvoir en place dans les années 80 a commis l'erreur stratégique d'opposer l'arabe à la mazir, d'opposer l'islam à la mazir, et on a eu une situation un peu tendue, un peu complexe. Mais avec le temps, nous avons produit au niveau du mouvement culturel mazir un discours constructif, un discours qui dit que notre revendication, la revendication de l'État mazir comme langue nationale et officielle n'est pas contre l'arabe, mais bien au contraire, elle est dans une option de complémentarité linguistique. Mmh. Ce qui a conduit avec le temps, et c'est le temps présent, à ce que l'Algérien arabophone aient une compréhension plus intéressante de la problématique des mesures. Alors justement, Brahim Tazarat, je m'excuse de vous couper là-dessus, mais il y a un élément que j'aimerais que vous développiez, c'est que très souvent dans les débats qui prévalent ici en Occident sur cette question en Afrique du Nord, la mazirité nord-africaine ou les sous-bassements anthropologiques de la mazirité sont réduits trop souvent à l'expression linguistique par cette langue. Or justement, est-ce que les arabophones qui existent par exemple en Afrique du Nord sont nécessairement arabes ou bien est-ce qu'il peut exister une mazirité qui s'exprime par le biais de l'arabophonie par exemple? Parce que c'est-à-dire que la berbérité ne se réduit pas à l'expression de la langue berbère. C'est bien plus compliqué. Qui, finalement. Oui, c'est bien plus complexe que ça. Je disais que j'ai animé dernièrement une table ronde avec un certain nombre d'écrivains algériens, parmi tant d'autres Boujdra et d'autres amis. C'était à Tlemcen. Et à la fin de le lendemain, j'étais visiter une région du côté de la frontière avec le Maroc, c'est la région de Aït-Sous ou Bnissous. Et Bnissous est une population arabophone, mais qui fondamentalement est vraiment fière d'être un Mazir. En fin de compte, ils ont perdu l'usage de la langue, mais ils restent fondamentalement un Mazir et ils se reconnaissent comme tel. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes dernièrement, je parlais de Boujdra, dernièrement nous avons organisé une table ronde de la Bibliothèque nationale où cet écrivain algérien qui n'était pas, il y a quelques années de cela, qui n'était pas favorable à cette revendication, a émis le souhait de voir qu'un mazir langue officielle. Mmh. En fin de compte, la mazirité ne se réduit pas à la mazirophonie, à ceux qui pratiquent la langue à mazir, mais elle est plus vaste que ça. Alors, cela m'amène à vous poser une autre... Algérienne. Oui. Excusez-moi de vous couper, Brahim, on n'a pas beaucoup de temps. Votre explication m'amène à vous poser une autre question. Alors, dans l'éventualité d'une officialisation de la langue amazigh en Algérie, est-ce que l'espace de cette officialisation doit se limiter à l'espace majoritairement amazighophone ou bien il faudrait généraliser cette langue à l'échelle nationale algérienne pour que les arabophones également puissent y accéder? C'est-à-dire que finalement, est-ce que l'amazigh doit être enseigné essentiellement dans les régions majoritairement amazighophones ou bien vous plaider pour son officialisation à l'échelle du territoire plus large? Comment vous vous situez sur cette question? J'ai fait une proposition, ça fait quelques années de ça, j'ai proposé une conférence nationale sur la question linguistique en Algérie. Je crois qu'une conférence nationale qui va traiter de la question linguistique en Algérie est une pourra être un cadre pour trouver une solution la plus intéressante à cette problématique. Parce que... Oui, on vous écoute? Je crois que nous avons perdu notre invité. Si c'est le cas, Brahim, est-ce que vous nous entendez? Sinon, on va prendre une petite pause musicale. Mon camarade Evie qui assure le travail à la technique, on va essayer de rappeler notre invité. On a encore une dizaine de minutes. Diwan ma tenam dawa wa dawan hasam direde enta stenam enta dawantu yam tiklam diwan ma tenam dawa wa dawan hasam direde enta stenam enta À 19h25, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM. On est en train d'échanger sur la question, sur la revendication amazigh en Algérie. J'ai comme invité l'auteur Brahim Tazahart. Brahim, vous m'entendez? Oui. Alors justement, alors je m'excuse. Oui, je vous entends. Alors ça a coupé tout à l'heure, mais on était en train de parler de la généralisation. Qu'est-ce qu'impliquait l'officialisation et les enjeux sous-jacents au niveau de sa territorialisation, c'est-à-dire est-ce que la langue devait être officialisée à l'échelle du territoire national ou dans les zones majoritairement amazighophones? Oui. Vous étiez en train de nous expliquer. Reprenez un peu votre explication, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai proposé un cadre de concertation pour que la solution à ce problème soit concertée et soit discutée par tout le monde. C'est la conférence nationale sur la question linguistique en Algérie. Une politique linguistique qui se base sur l'égalité des statuts et des moyens et qui suppose égalité entre les citoyens. Je crois que un effort des élites afin de dépasser les tensions et un engagement à ne pas créer davantage et demander. Parce qu'en fin de compte, les élites sont déterminantes dans ce genre de débat. Et à ce niveau, moi, personnellement, j'ai proposé de soustraire la question des langues en Algérie, mais un peu partout, en Afrique du Nord, en Afrique, mais même ailleurs dans le monde, soustraire la question des langues au rapport de force politique et la placer seulement sur celui du droit, parce que le droit à sa langue, le droit à s'épanouir dans sa langue ne doit pas supposer la création permanente d'un rapport de force, vivre sous tension, et l'humanité est toujours en train de se battre contre elle-même. Oui. Voilà, grosso modo. Ben, je comprends l'esprit et le pragmatisme qui caractérisent votre réponse. Oui. J'aimerais vous entendre sur un autre point. Vous êtes quelqu'un qui écrit dans cette langue. L'un des défis qui se pose à l'intérieur de, si vous voulez, des défenseurs de la langue amazigh, c'est le défi de la standardisation de cette langue. Alors, quels sont pour quelqu'un comme vous qui écrit dans cette langue, qui passe de l'oralité à l'écrit, qui se met précisément, qui se confronte à la réalité du travail d'écriture, expliquez-nous un peu. Est-ce que finalement c'est dans le cadre de cette conférence nationale à laquelle vous appelez que devraient être par exemple tenus des états généraux sur la langue qui devraient notamment statuer sur la standardisation? Aidez-nous un peu à comprendre quelles sont finalement à court terme les revendications que les acteurs devraient faire prévaloir pour avancer sur cet enjeu. Je crois que la conférence nationale sur la question linguistique pourra tracer les grands axes, mais la standardisation doit être essentiellement doit se faire dans le cadre d'un centre d'aménagement linguistique. Dernièrement, il y avait la proposition de mettre en place une académie de langue amazigh. Moi, personnellement, j'étais réfractaire, j'étais pas d'accord avec cette proposition, parce que j'ai dit que l'académie de langue amazigh est un peu lourde, il risque d'être bureaucratique. Mais un centre d'aménagement linguistique, par sa souplesse, par l'efficacité qui pourra le caractériser, peut faire avancer les choses mieux. Seulement la standardisation, oui. Ben justement, alors puisqu'on est en train de parler de ces enjeux de conférence nationale qui devraient être tenus, on parle de ce défi de la standardisation, mais ce sont tous des enjeux qui ont été déjà débattu déjà lors du congrès du séminaire de Yakouren dans les années 80. Comment se fait-il que plus de 20 ans, les conclusions de ces séminaires n'ont pas cheminé et qu'il faille reprendre encore plus de près de 25 ans après ces débats? Comment se fait-il que les acteurs qui devaient les faire aboutir n'ont pas véritablement été à la hauteur des exigences historiques? C'est une question un peu délicate, mais il faut la poser. Oui, c'est une question très délicate. C'est pas tout ni perdre du débat de Yakouren qui est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont... Tout à fait, je suis conscient de ça. Il y a beaucoup d'avancées. Oui. Mais non, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre finalement quelles sont les limites ou quelles sont les erreurs qui ont été commises, parce qu'il y a des éléments du débat que nous avons qui ont été déjà posés il y a une vingtaine d'années. Comment se fait-il que nous devons le refaire, ce débat, aujourd'hui? En fin de compte, c'est une question de maturation, parce que moi, je ouvre une parenthèse. Il y a des amis qui disent pourquoi durant le mouvement national, c'est pas tout le monde qui a pris à bras le corps la revendication berbère ou un Algérien. Je dis souvent que cette revendication n'a commencé à se manifester de cette façon que durant le siècle passé. Il n'y avait pas une intelligentsia, une élite qui a travaillé la question. Ce n'est que durant le mouvement national et après l'indépendance de l'Algérie qu'on a commencé à théoriser, qu'on a commencé à chercher des solutions, qu'on a commencé à construire. Et cette construction, et je vous cache rien, est très pénible. Moi qui étais dans une langue minoritaire, pas minoritaire, mais minorée, dans une langue minorée, là, il y a des défis énormes. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'Algérie n'avait pas que ce problème, il y a d'autres problèmes, c'est le chômage, le problème de la démocratisation, le problème des droits, le problème énormément d'autres problèmes, le problème de la gestion de l'islamisme en Algérie, de la mise en place d'un pluralisme politique. Tout ça a conduit à des moments d'arrêt, à des déviations. C'est un ensemble très complexe et maintenant on est en train d'essayer d'élaborer un petit bilan, de voir la situation autrement, pour avoir un autre regard sur la situation et proposer des possibilités d'avancer autrement. Alors justement, Brahim, j'aimerais vous entendre également sur un autre élément plus géopolitique à l'échelle maghrébine. C'est la question de la manipulation des revendications ethno-linguistiques qui sont aujourd'hui brandies et qui servent très souvent dans la partition de certains pays. C'est une donnée qui se pose avec acuité dans la conjoncture actuelle. Comment voyez-vous la solution du problème du pluralisme linguistique, par exemple dans un pays comme l'Algérie, tout en réfléchissant à la question de la sauvegarde de l'unité d'un pays comme l'Algérie? Comment finalement soustraire cette légitime revendication à l'instrumentalisation qui puisse en être faite. On le voit notamment avec l'exemple libyen, avec l'exemple malien. Comment plaider de façon pédagogique au sein de l'opinion publique algérienne sur cette question? Oui, on essaye de le faire à travers... Moi, j'ai proposé, il y a quelques jours de ça, j'ai donné un entretien au journal El Watan. J'ai proposé de repenser le mouvement culturel Tamazir sur la base de projets. Le projet, c'est que Tamazir doit être considéré comme une langue, une culture qui dépasse les systèmes et les gouvernements. Mais une fois que nous acceptons de soustraire Tamazir, et je l'ai dit tout à l'heure, au rapport de force, et là, ça implique un courage des gouvernants, parce que tout est entre les mains de ceux qui gouvernent. Ces gouvernants doivent avoir le courage de réfléchir l'avenir, même pas en fonction des contraintes immédiates créées par un rapport de force, créées par une action politique ou une menace régionale ou internationale, mais réfléchir l'avenir pour les générations futures. Et de ce point de vue, nous, on essaye de faire en tant qu'écrivain, en tant que militaire, on essaye de rapprocher, moi personnellement, et je viens d'éditer la traduction en arabe de mon roman. Et le premier livre que j'ai édité chez moi aux éditions Terra, c'est une traduction d'une poétesse syrienne, Madame Al-Masri, de l'arabe vers Tamazight. Ça veut dire qu'on essaye de créer ce pont entre les deux langues, d'enlever les malentendus que l'histoire, que le politique a mis entre les langues. Mais une fois qu'on arrive à soustraire, et à soustraire la revendication au rapport de force, au jeu et aux enjeux politiciens, à partir de là, l'Afrique du Nord doit être pensée comme un ensemble homogène où toutes les parties doivent être intégrées dans une dynamique, de démocratisation et de citoyenneté, où aucune d'elles ne doit être la menace, mais doit sécuriser les autres. Alors justement, vous êtes un auteur, vous êtes quelqu'un qui écrit dans cette langue. J'aimerais vous entendre un peu sur les défis qui se posent dans le travail d'édition. Quels sont les échos que vous en avez? Quelle est l'expérience que vous en tirez depuis que vous publiez? Est-ce qu'il y a un lectorat? Quels sont les défis plus particuliers qui se posent à quelqu'un qui écrit dans cette langue de façon Je me dis souvent, celui qui écrit en langue amazone ne doit pas penser comme celui qui écrit en anglais ou en français. Ça veut dire, en fin de compte, la notoriété, le succès doit être évacué déjà de sa démarche en tant qu'écrivain, parce que tout écrivain est à la recherche de la notoriété, est à la recherche de la reconnaissance. En fin de compte, nous, les écrivains amazones, nous sommes conscients que nous avons un nombre très limité de lectorats. Mais ce nombre très limité, maintenant, il est en train de se développer parce que nous avons un enseignement de Tamazight en Algérie qui date de 1990 au niveau de l'université et de 1995 pour ce qui concerne l'enseignement général, le primaire, le CM et le lycée. Nous avons des centaines de milliers maintenant de jeunes qui suivent l'enseignement de Tamazight et nous savons tous que l'école est la première usine du lectorat, c'est elle qui fabrique le lecteur. Et là, nous misons sur sur l'affaire de l'école à faire développer la lecture en Tamazight et par conséquent l'édition du livre. Alors justement, Brahim, le mois prochain, il y a des élections législatives en Algérie. Ça sera ma dernière question. Dans le cadre de la campagne électorale actuelle, est-ce que cette question fait l'objet de débats ou bien quel est finalement l'état de la question dans le cadre de la conjoncture politique actuelle? Dans la foulée des élections, est-ce qu'il y a des revendications qui sont portées? Est-ce que les partis politiques se prononcent sur des projets concrets en vue de la désaliénation et de la promotion de cette question? Maintenant, tous les partis politiques algériens se prononcent pour la reconnaissance de Tamazight, mais aucun, disons-le franchement, aucun ne propose une stratégie de développement de cette langue. C'est pour ça que nous sommes, nous, au mouvement culturel de Mazur, en train de prendre un certain nombre d'initiatives. Ça veut dire que nous ne sommes pas dedans des élections, nous ne sommes pas dans la course aux élections, mais nous essayons d'influer sur la conjoncture en proposant un certain nombre d'actions comme cet appel pour un quotidien national d'information en langue amazigh, pour un autre appel qui va survenir d'ici quelques temps pour le soutien du livre amazigh, parce qu'il y a au niveau du ministère de la Culture algérienne un fonds national du soutien au livre. Et là, nous revendiquons à ce que Tamazight doit avoir sa part entière dans le cadre de ce fonds de soutien au livre amazigh. Et pourquoi pas, moi je pense, avec des amis, lancer un appel pétition, mais qui sera signé par tous les écrivains algériens et qui ne sont pas forcément berbérophones, mais par tous les écrivains de Amizdaoui, Boujdra, Adob, et qui va réclamer la reconnaissance de Tamazight comme langue officielle, essentiellement surtout que nous sommes à la veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Et le cinquantenaire de l'indépendance doit être un moment où l'Algérie doit avoir le courage de régler ses problèmes et de se montrer, de se donner une chance dans l'histoire pour que les générations futures trouveront des langues à leur portée, des problèmes évacués, mais aussi beaucoup de richesses, dont les richesses naturelles que nous devons réfléchir autrement, dans une optique d'économie durable, où nous ne devons pas gaspiller les chances des générations futures. Et c'est dans ce sens que nous travaillons en fin de compte, parce que nous avons le devoir de solutionner ces problèmes aujourd'hui et de ne pas les laisser aux générations futures. Voilà, je pense que ça peut être... L'implication du militant est à ce niveau. Voilà, Brahim Tazahart, sur cet appel et sur ces sages paroles, j'espère que votre message sera entendu. En tout cas, j'espère aussi qu'avec votre témoignage, que l'on cessera de faire un profil bas sur cette question. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous écouter, je les renvoie à l'entretien que vous avez accordé au quotidien algérien El Watan en date du 20 avril dernier. Le titre de l'article, c'est « Pour Tamazight, nous pourrions poursuivre le gouvernement en justice », donc sur le site du quotidien algérien El Watan. Donc, je viens de m'entretenir avec Brahim Tazahart, écrivain, animateur du mouvement culturel La Mazir. Merci beaucoup, Brahim, pour la générosité qui est la vôtre en nous accordant un entretien à une heure aussi tardive. Et j'espère qu'on aura une autre occasion On a juste esquissé quelques-uns des enjeux sous-jacents à cette revendication qui est large et complexe. Je pense sincèrement que vous avez contribué à ce que nos auditeurs voient un peu plus clairement sur cette question. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois. On va prendre une petite pause musicale. Et on revient tout de suite après avec la partie anglophone de l'émission avec mon camarade Doug Miller.